La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce troisième numéro d'une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à demain à Marguerite Yourcenar. Yourcenar, cette femme qui a créé une œuvre si particulière, insulaire en ont dit certains, étiquetée parmi les néoclassiques, mais d'un néoclassicisme qui serait teinté d'amour pour les négros spirituels ou pour la pensée du Tao, d'un académisme ouvert et libre qui a fait cette voix Yourcenar, ce ton et cette manière toujours reconnaissable, même si la forme, elle, varie d'un livre à l'autre. Chaque livre, chaque projet se développe et se construit selon sa forme à soi. Et il me paraît qu'une des plus graves erreurs qu'un écrivain ou d'ailleurs un artiste puisse commettre est de se laisser aller paresseusement à reprendre et s'imitant soi-même à perpétuer une forme qui lui a une fois réussi. Deux formes différentes donc aujourd'hui au sommaire de cette émission. La forme épistolaire d'abord, puisque Marguerite Yourcenar a écrit de nombreuses lettres durant sa vie, dont un certain nombre à notre invitée de la première partie, la poétesse et traductrice Sylvia Baron-Supervielle, des lettres qu'elle a publiées en recueil en 2009 dans un livre intitulé « Une reconstitution passionnelle ». Qu'est-ce qu'écrire ? Qu'est-ce que l'écriture ? J'avoue que je ne sais pas, c'est un assez grand mystère. Pourquoi écrit-on ? On écrit évidemment par un instinct profond qui vous dit d'écrire, comme les gens marquent leurs initiales dans les arbres, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Mais pourquoi, je ne sais pas. C'est une compulsion. Alors aujourd'hui, la technique ne veut pas me laisser terminer mon chapeau. Il y a donc deux formes différentes dans cette émission. La forme première sera donc la forme épistolaire. La seconde forme sera romanesque, puisqu'après la chronique de 15h30, je recevrai Anne-Yvonne Julien, professeure de littérature contemporaine à l'université de Poitiers. Avec elle, nous parlerons de l'autre grand roman de Yourcenar après Les Mémoires d'Adrien. J'ai nommé L'œuvre au noir. Alors bonjour Sylvia Baron-Supervielle. Bonjour. Pourquoi écrit-on, se demandait dans l'archive que nous venons d'entendre, Marguerite Yourcenar, et on pourrait se poser la question, pourquoi écrit-on des lettres et pourquoi en écrit-on autant qu'elle en a écrit durant sa vie ? Je me suis beaucoup demandé que signifiait la correspondance dans la vie d'un écrivain et dans la vie de ses livres. Et dernièrement, j'ai plongé dans plusieurs correspondances, celle de Beckett, celle d'autres, et aussi par exemple la correspondance de Madame de Sévigné. Et je trouve que d'une façon ou d'une autre, on est en pleine littérature, c'est-à-dire peut-être la plus précieuse, la plus directe. Mais je trouve que dans le cas de Marguerite Yourcenar, elle écrit tout le temps des lettres, même dans ses romans. Et puis d'ailleurs, elle écrit des lettres quand elle écrit Adrien. Mémoire d'Adrien est un roman épistolaire. Mais même si c'est une longue lettre, donc on oublie quand même assez rapidement que c'est une lettre. C'est vrai. Et aussi, je crois que Alexis, ou Le Vin Combat, est aussi une lettre. Mais même comme ça, par exemple, quand elle écrit ses carnets et qu'elle note ses notes, ou par exemple, j'ai beaucoup relu là ces jours-ci, ses mémoires et ses essais, qui sont absolument fabuleux, parce qu'alors plus abstraits, où il n'y a presque pas d'intrigue. Et particulièrement un livre qui s'appelle « Les songes et les sorts ». Et alors là aussi, c'est comme des descriptions. J'avais noté ici, par exemple, un très très beau conte qui s'appelle « Les chevaux sauvages ». Tout simplement, elle voit tout d'un coup une horde, une armée de chevaux sauvages dans un désert. Alors tout ce qu'elle raconte, la poussière, le bruit, c'est une très très grande chose. Et donc là, alors on ne saurait plus où situer Marguerite Yourcenar. Et ça, c'est très très beau, parce que, en fait, le temps passe depuis que j'ai eu cette petite correspondance avec elle. Et maintenant, je ne saurais plus la situer, parce qu'avant, je me disais, c'est tout de même un écrivain du 19e. Et puis, elle a passé au 20e, au 21e siècle, faisant fi de tous les siècles et de tous les styles, les formes, la poésie, le roman, les essais. Et donc elle a bâti ses livres en mélangeant tout, la correspondance et le reste. Vous avez beaucoup échangé avec elle, essentiellement entre 80 et 87, puisque du coup le livre que vous avez publié en 2009, c'est sur cette période 80-87. Est-ce que vous vous êtes beaucoup écrit ? Non, pas beaucoup. Enfin, disons que le sujet principal, c'est que j'avais trouvé sur les quais une revue qui s'appelait Le Manuscrit Autographe, et où il y avait des poèmes de Marguerite Yourcenar. Et comme j'aimais beaucoup... On parle des années 60, oui, c'est ça. Voilà. Et non, un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Et alors, j'ai acheté ce manuscrit, j'ai vu 7 poèmes pour une morte, Marguerite Yourcenar. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne savais pas qu'elle écrivait des poèmes. Je connaissais bien son œuvre et j'aimais passionnément son œuvre. D'ailleurs, une passion qu'elle communique, qui sortent de ses livres. Et je découvre ces 7 poèmes romantiques, là oui, un peu poésie du 19e, très tristes. Et comme c'est une manie que j'ai, que dès que j'aime des poèmes, j'aime les traduire, soit de l'espagnol au français, soit du français à l'espagnol, je les traduis à l'espagnol. On n'a pas dit encore que vous étiez née en Argentine, que vous êtes arrivée en France, alors là pour le coup dans les années 60. Oui, 61. Est-ce que vous saviez déjà qui était Marguerite Yourcenar et elle a publié, quand vous arrivez à Paris, Les Mémoires d'Adrien il y a une dizaine d'années. Donc ça, forcément, vous en avez entendu parler. Oui, mais je ne l'avais pas lu encore. Non, j'ai vraiment... C'était traduit en espagnol ? Non. Non, tout ça s'est fait peu à peu. Et donc, dans ce cas précis, des poèmes, j'ai pris ma plume tout de suite dans l'enthousiasme et j'ai traduit ces poèmes, 7 poèmes pour une morte. Et je les ai envoyés chez Gallimard avec un petit mot en disant « Est-ce que vous auriez la gentillesse de faire suivre ces traductions à Madame Yourcenar ?» Bon, avec une simplicité et une rapidité très grande, elle m'a répondu. Bon, je n'étais rien, je ne savais même pas. Je commençais à écrire en français, j'avais peut-être publié quelques poèmes dans les revues en français, mais elle ne me connaissait pas du tout. Mais alors, une lettre tellement généreuse et gentille et presque affectueuse sur ses poèmes, qu'elle aimait énormément, après j'ai compris. Et elle me dit, vous pouvez les traduire. Et d'ailleurs, je vous envoie un petit livre qui s'appelait Les Charités d'Alcippe. Je vous envoie un petit livre où il y a la suite, il y a d'autres poèmes. Donc elle m'a envoyé ce petit livre avec, dans chaque page, des mots notés par elle et des petits poèmes ajoutés dans les pages comme ça. C'est un très joli petit livre que j'ai donné à la Bibliothèque nationale. Là. Donc elle vous ouvre les portes, oui, de l'Académie. Elle vous invite à une réception au printemps, oui, 1980. C'est, oui, la première fois que vous la voyez ? Oui. Et ensuite ? Et ensuite, donc, j'avais déjà traduit donc, tout le petit livre Les Charités d'Alcippe qui allait paraître en Espagne. Et je me suis mise à traduire Feu, et c'était déjà traduit par quelqu'un d'autre, ce qui m'arrive assez souvent. Et puis elle me dit, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas beaucoup de succès pour les traductions, c'est mon théâtre. Et alors j'ouvre le théâtre et je me rends compte qu'avec une liberté totale, elle emploie le style du théâtre avec des grandes tirades. Mais c'est magnifique, mais impossible, je pense, très difficile à jouer. Et donc je suis enthousiasmée, et j'ai dit je vais les traduire s'ils ne sont pas encore pris en Espagne. Et elle m'a dit oui, et puis bon, à chaque fois qu'elle passait par Paris, elle m'appelait, on se voyait. Et je ne sais pas, c'est vrai qu'elle intimidait. Et qu'on se sentait un peu intimidé avec elle. Mmh. Sylvia Baron-Supervielle, je voudrais qu'on revienne sur le titre de cet ouvrage, Une reconstitution passionnelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a répondu à quelqu'un qui lui demandait « Qu'est-ce que c'est pour vous les mémoires d'Adrien ?» Et elle a dit « Une reconstitution passionnelle d'un homme seul. » Et j'ai tellement aimé ça, qu'en fait, bon, c'était un petit livre avec pas beaucoup de correspondance, mais j'ai voulu lui donner ce titre. Et je ne l'explique pas, peut-être j'aurais dû le faire dans la préface, mais pour moi aussi, c'était revoir toute cette période qu'on se connaissait peu à peu, et puis qu'elle m'a invitée, que je suis arrivée là-bas, tout ce qui s'est déroulé là-bas. Elle vous a invité à Petite Plaisance chez elle. À Petite Plaisance. Très rapidement. Très rapidement. Parce que comme j'avais dit oui pour le théâtre, elle m'a dit, bon, écoutez, venez à la maison, qu'est-ce que vous faites pour l'été? Est-ce que vous voulez venir 15 jours? Je vous invite. Elle m'a envoyé tout ce qu'il fallait pour que je parte. C'est impressionnant, non? Ah oui. Oui. Mais je ne sais pas, je crois que... Et moi, j'étais très intimidée par elle, mais tout de suite... Je me suis rendu compte que c'était une femme qu'on pouvait communiquer avec elle si, on la forçait pas à prendre des attitudes ou à, disons, si on était le plus simple possible, et comme c'est mon cas, bon. Donc, elle est vraiment, elle a été avec moi d'une simplicité, d'une générosité absolue. Et elle m'a intimidée, oui, mais elle m'a intimidée parce que j'avais peur de sa culture tellement immense. Ça, c'était un peu impressionnant, ça m'impressionnait. Mais alors, quand vous arrivez là-bas... Quand j'arrive là-bas... Vous craignez, parce que quand même, vous devez rester 15 jours. Oui. Et rester 15 jours en seul à seul avec quelqu'un qu'on connaît quand même très mal, c'est déjà parfois éventuellement problématique. Mais alors, quand c'est Marguerite Yourcenar, on doit avoir un petit peu peur. Pour commencer, elle avait loué une voiture pour moi énorme, avec la conduite automatique. Moi, je n'étais pas très habituée. Alors, en plus, comme j'étais très intimidée... Bon, je suis arrivée avec cette énorme voiture, mais je ne me suis pas trompée de route. Et elle me disait, cette lettre, je l'ai gardée, je ne l'ai pas donnée parce que je trouvais que ce n'était pas une lettre. Simplement, elle me donnait toutes les indications pour ne pas me perdre de l'aéroport à Petite Plaisance. Et puis là, tout de suite, je me suis rendu compte. La maison est très, très chaleureuse parce que c'est une maison très simple avec du bois, des livres. Partout. Mais même, par exemple, l'escalier qui allait au premier étage, à gauche contre le mur, c'était une bibliothèque qui tournait, comme ça. Bon, en bas, toutes les pièces, dans la cuisine, les deux chambres du premier étage, c'était, enfin, vraiment. Alors, donc, ça. Puis, un jardin aussi très, très simple. Elle accrochait aux branches des paniers, et alors, elle mettait des graines, comme ça, pour appeler les oiseaux. Donc, c'était plein d'oiseaux. Et à l'intérieur, des tableaux, à l'intérieur, moi, j'ai vu Piranèse, des gravures de Piranèse, noir et blanc, et il y avait des photographies de gens qu'elle aimait. Mais non, pas de peinture. Non. J'ai vu simplement un tableau de Marie Laurencin, et qui était son portrait, et puis c'est tout, au premier étage. Mais... aussi, cette impression immédiate, je venais de Paris où elle était une star, et là, elle était dans la solitude totale. Oui, parce qu'elle vous promène un petit peu dans la ville, et là, vous vous rendez compte que personne, ou presque, ne la reconnaît comme Marguerite Yourcenar. Peut-être qu'on la reconnaît comme une voisine, mais pas comme l'immense écrivain connu partout dans le monde. On ne la reconnaissait pas du tout, ni comme une femme, la femme, une voisine, ni comme l'écrivain. Je crois qu'elle ne faisait pas les courses, qu'on lui apportait ça. Je ne me suis pas très bien rendu compte comment arrivaient les courses chez elle. Mais en tout cas, j'étais très impressionnée qu'elle n'ait, enfin, je ne sais pas, pas d'amis ou d'amis dans le voisinage. Il y avait un petit village, non, juste à côté de chez elle. Et donc, elle voyait des gens très simples, des domestiques, des jardiniers, des grandes maisons somptueuses d'à côté qu'elle invitait comme ses amis. Mais surtout, c'était cette impression de la solitude. Mais, si vous le permettez, revenons au théâtre. Vous venez de dire très justement, il me semble, que ce besoin de dialoguer avec autrui était la base même de la forme théâtrale. Quelles sont donc les pièces de vous qui ont été jouées ? Deux seulement sur six. La première, La Petite Sirène, n'est pas à proprement parler une pièce. C'est une sorte de libretto lyrique qui attend un musicien qu'elle n'a pas encore trouvé. Il s'agit d'une adaptation du conte ravissant d'Andersen, La Petite Sirène. Et je me rends compte maintenant que, sans le savoir, en décrivant cette histoire de la petite sirène qui abandonne son élément natal et qui se trouve muette dans ce monde humain dont elle ne connaît pas la langue, je traduisais, sans le savoir le moins du monde, un certain dépaysement durant le commencement de ma résidence américaine. La pièce a été admirablement montée à Hartford, au Connecticut, par ce grand animateur américain qui était Everett Austin, qui a été aussi un grand directeur de musée et le grand introducteur de l'art baroque aux États-Unis. L'autre pièce jouée a été Electre ou la chute des masques à Paris en 1954, dans des circonstances assez orageuses que je n'évoquerai pas ici. Electre ou la chute des masques est avant tout l'histoire d'un conflit de générations, le poids des crimes, des erreurs, des malentendus ou des passions de la génération précédente retombant sur la génération qui suit. Et on voit s'y dessiner, comme dans un certain nombre d'allures de mes romans, ce thème du groupe surtout d'adolescents ou de jeunes gens, s'opposant au monde et formant une sorte d'unité, une sorte de commune, comme on dirait maintenant aux États-Unis, enfermés dans leurs rapports, tantôt amoureux, tantôt amicaux, tantôt de pure et simple révolte contre ce qui les entoure. Sylvia Baron-Supervielle, on vient d'entendre Marguerite Yourcenar qui parle de certaines de ses pièces de théâtre. Vous avez traduit certaines de ses pièces, justement, on va en parler. Mais au tout début de l'archive, elle parle de La Petite Sirène. Oui. Et elle dit, comme La Petite Sirène se trouve muette dans ce monde humain, je me suis sentie exilée aux États-Unis. Et quand vous parlez de la solitude à l'instant... Oui. C'est exactement ça. Et pourtant, elle a vécu des années aux États-Unis. Oui. Non, elle était exilée, absolument. Donc, elle se sentait comme la petite sirène. Oui. Elle était tout à fait exilée. Mais je crois que l'exil, je crois qu'on le porte en soi. Et Vous-même êtes bien au courant de ce que signifie qu'être une exilée ? Une exilée, je sais ce que c'est. Et puis, parfois, elle me disait, mais vous, est-ce que vous ne vous sentez pas ? J'ai dit, oui, bien sûr. Mais... Elle, on le sentait beaucoup. Et alors, il y avait la question de la langue. Ça, je l'ai écrit aussi dans mon livre. J'étais habituée, comme je vous le disais, en Argentine, à parler plusieurs langues. C'était quelque chose de naturel. Disons, même quand je suis arrivée ici à Paris, changer de langue ne m'a pas paru une chose tellement difficile. Et un jour, parce que... Il y avait déjà très longtemps qu'elle était là, qu'elle habitait avec une traductrice qui était américaine, qu'elle ne voyait que des Américains lorsqu'elle était à Petite Plaisance. Je lui ai dit, mais vous n'avez jamais eu l'idée de ça m'a impressionné, d'écrire en anglais. Elle m'a dit, jamais. Tac. Alors là, c'était comme un contraste. Alors, c'était encore plus l'exil, parce que bon, elle était avec sa langue française. Tellement. Je pense que c'est pour ça peut-être qu'elle parlait anglais, mais avec beaucoup d'accent, qu'elle ne parlait pas beaucoup avec ses voisins, parce que la langue française... Alors, ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est que quand elle parlait, elle écrivait. Elle faisait la même chose. Oui. C'est-à-dire que son écriture et sa parole, finalement, c'était la même chose. Je me disais que ça doit être pratique, parce que finalement, on ne fait pas de brouillon, on va directement, on écrit... Et ce qui sort de votre voix intérieure est déjà propre, c'est déjà un livre. Et elle, quand elle parlait, c'était un enchantement, là même, parce qu'on a entendu. Et elle avait cette voix, cette façon de parler qui se versait après. Et d'ailleurs, je la voyais travailler tous les matins dans ses cahiers. Elle ne corrigeait jamais. Alors justement, vous avez donc passé 15 jours en tête à tête avec elle. Vous racontez qu'elle vous prépare le petit déjeuner et que le matin, elle lit son courrier, mais pas tout son courrier quand même. Oui. Ah, ça m'avait beaucoup impressionné. On lui apportait une corbeille comme en plastique, comme ça, avec toutes ses lettres, des montagnes, tous les matins. Sa secrétaire américaine lui apportait ça. Et donc, elle versait tout son courrier sur la table de la cuisine et elle faisait des tas, comme ça, elle séparait. Moi, je la regardais, on prenait le café en même temps. Et je me suis rendu compte qu'elle faisait un tas avec les lettres qui disaient Marguerite Yourcenar de l'Académie française et les autres. Et puis après, carrément, mais sans le moindre scrupule, ni me regarder, ni rien, elle prenait le tas de l'Académie française et elle l'envoyait à la poubelle. Alors je lui dis non, mais c'est pas vrai, je lui ai dit. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Elle me dit, les gens qui écrivent Académie française sous mon nom n'ont pas lu mes livres. Sylvia Baron-Supervielle, à quoi travaillait à l'époque Marguerite Yourcenar quand vous êtes allée la voir à Petite Plaisance? Elle avait reçu le prix Erasme et donc elle préparait un discours. Il fallait qu'elle aille en Hollande le recevoir. Ça lui convient bien le prix Erasme pour la culture européenne? Oui, oui. Après, elle écrivait parce que, ce n'est pas pour me vanter, mais je lui avais fait lire Borges. Qu'elle ne connaissait pas ? Qu'elle ne connaissait pas. Elle connaissait le personnage et sa femme qu'elle avait vue à New York. Et elle connaissait deux noms, mais elle n'avait jamais lu. Et comme moi, je suis une grande admiratrice et j'ai traduit aussi Borges. Donc je lui ai dit, il faut que vous le lisiez. Et elle a commandé tous ses livres chez Gallimard. Et alors, après, elle a écrit Borges ou le voyant. Et elle écrivait ce livre également. Et qu'est-ce qu'elle dit dans ce livre sur Borges? Ah, c'est merveilleux. C'est très beau. J'ai pensé à un moment donné que ça n'allait pas tellement s'accorder. Mais non. Bon, elle était tellement vaste dans son esprit qu'elle a tout de suite compris. Non, il y a un mysticisme, au fond, qui n'est pas très visible chez Marguerite Yourcenar. Oui. Mais qui existe quand même et qui peut la rapprocher, oui. Peut-être. Oui. Et puis, toute la mythologie... que Borges aime tellement, et puis ses histoires très imaginaires qu'il a, des personnages qui sont malades de la mémoire et des choses comme ça, et enfin tellement originaux, enfin, les contes, les nouvelles de Borges sont tout à fait magnifiques. Et alors là, elle était fascinée, peut-être plus dans cet imaginaire que dans d'autres livres de Borges. Et ça, ça a été pour moi une grande joie, parce que moi, j'adorais aussi ses poèmes, et je lui ai dit de lire les poèmes de Borges, et ça lui a beaucoup plu. Elle travaillait aussi sur un livre de récits de voyage, je crois. Oui, les récits de voyage, et aussi, ce livre où il y aurait Borges, aussi les fêtes, genre la fête de Noël, la fête des Pâques, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, je l'avais noté, ce livre qui est très très beau. Je crois que c'est à l'intérieur de les songes et les sorts ou autre chose qu'elle préparait. Et c'était comme un chapitre de ça. Et enfin, alors j'aime beaucoup ses mémoires et ses essais. Le reste est magnifique et c'est énorme. L'œuvre noire, les mémoires d'Adrien. Mais dans ses mémoires et des essais, elle est plus intime dans les songes et les sorts. Parce qu'au fond, elle est très intellectuelle, c'est peut-être ça aussi. Oui, non, c'est-à-dire que parfois, on a du mal à suivre tellement d'érudition. incarner. Parce que c'est ça qu'elle fait. Elle s'incarne dans l'histoire et elle s'incarne dans les grands dirigeants. Et alors, à la fin, on ne sait plus où elle est, un peu. Bon, ce n'est pas une critique, je n'oserais jamais. Mais, disons, je me sens plus à l'aise et je trouve qu'elle est très, très originale dans ses mémoires et ses essais. Disons, peut-être plus. Voilà. Alors, elle travaillait justement, ce n'était pas sur un roman, sur le tour de la prison. Parce voilà, qu'elle disait... Qu'est-ce qu'elle disait? Je ne vais pas vous dire à votre place. Non, je ne sais pas. Elle disait qu'il serait assez insensé de mourir sans avoir fait au moins une fois le tour de sa prison. C'est elle à travers Zénon qui disait ça. Oui. Ça signifie que le voyage, au fond, et là en l'occurrence le voyage en Asie, parce que c'est un essai sur le Japon, était primordial. Oui. L'histoire de Borges et le voyant, c'est à l'intérieur de le tour de la prison. Voilà pour tous ces mémoires et ces essais qui me paraissent tout à fait fascinants. Et le soir, vous vous retrouviez et du coup, il fallait que vous montriez ce que vous aviez fait pendant la journée parce qu'il y avait du travail à faire de traduction. Elle s'était fait. Donc, le soir, on révisait. Ah oui, quand même, vous révisiez ensemble. Elle comprenait l'espagnol. Elle adorait l'Espagne. Elle disait, c'est un pays où le sang bat. Le sang, et le battement du sang, on l'entend. Et donc, elle lisait l'espagnol. Parfois, elle me disait, ça veut dire quoi? Je ne suis pas sûre. Comme elle connaissait par cœur son théâtre. Alors, on travaillait... Mais c'était très... Jamais... En écoutant du tango. En écoutant des tangos. Je lui avais apporté des disques de tango que j'adore, et surtout d'une femme qui s'appelle Susana Rinaldi, qui est une grande chanteuse, et elle a adoré. Elle me dit, oh Dieu, que l'espagnol est beau quand c'est chanté comme ça. Mais son théâtre n'a jamais vraiment marché. On sait d'ailleurs assez peu qu'elle a écrit du théâtre. Mais moi, ce que j'ai aimé, là, avec le théâtre, c'est qu'elle casse toutes les règles du théâtre. Et alors, les personnages, parfois, font des tirades de 3 pages, comme s'ils étaient seuls sur scène pour toujours. Et je trouvais que cette liberté qu'elle prenait était merveilleuse. Et j'ai adoré traduire ce théâtre, mais je ne le traduisais pas comme une pièce de théâtre. Je traduisais les textes qui sont merveilleux. Et vous lui aviez parlé des écrivains du XXe siècle qui étaient ces écrivains contemporains. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Parce qu'il y avait Borges, on en a parlé, mais les autres écrivains... Non, elle restait en silence. Toujours. Non, moi je ne pouvais pas nommer. Parce que, de temps en temps, j'aimais un petit peu, bon, disons, pour qu'elle aille plus loin. Et alors, je lui disais, vous connaissez Beckett? Silence. Pour elle moi, connaissait quand même, non? Non, mais silence, elle ne me répondait pas. Ouais. Ni oui, ni non. Vous connaissez Nathalie Sarraute? Silence. Oui. Et alors, un jour, elle m'a dit, personne n'a employé ni usé tant de sang pour écrire que moi. Ça ne compte pas. Voilà, elle m'a dit ça à la fin. Donc c'était ça, sa modernité? Mais je faisais exprès, c'était des écrivains que j'aimais, que je lisais. Elle meurt le 17 décembre 1987, et vous vous êtes écrit jusqu'à la fin, puisque la dernière lettre du volume que vous avez publié en 2009 de la correspondance date de juillet 1987, et le dernier mot, c'est un modèle pour la remercier de votre carte de Bretagne, et pour lui dire justement qu'elle travaille sur Borges. Oui. Vous vous souvenez de l'avoir reçue? Oui, absolument, oui. Et elle... Parfois, quand on lui téléphonait, sa voix se coupait comme si elle avait une espèce de coupure dans la tête. Alors, j'attendais et ça reprenait. Mais on voyait déjà qu'elle était atteinte. C'était terrible, ça. Et après, elle reprenait comme si de rien. Mais pendant 1 minute, il n'y avait plus rien, là. Merci, Sylvia Baron-Supervielle. Merci à vous. À 15h30 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence en compagnie des revues. Nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Jacques Drillon du magazine littéraire. Le magazine littéraire qui consacre ce mois-ci son dossier à la question éminemment souterraine, mais néanmoins capitale, de la ponctuation. Bonjour Jacques. Bonjour. Dossier qui commence par un article d'Isabelle Sersa, qui est l'auteur du livre « Esthétique de la ponctuation » paru chez Gallimard. C'était en 2012, Jacques. Oui, ce dossier est à la fois historique, théorique, pratique. Et donc Isabelle Sersa s'est attachée à raconter ce qui s'est passé depuis l'invention de la ponctuation, donc qu'on date en général d'Aristophane de Byzance, 3e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'imprimerie, où là les choses basculent. Parce qu'entre-temps, donc, on a inventé non seulement le blanc qui sépare les mots, alors que les mots étaient collés les uns aux autres avant, c'est le premier signe négatif, mais c'est un signe quand même de ponctuation, de clarification du discours. Mais les signes se développent un petit peu partout, chacun à sa manière, selon les endroits, les époques, les pays. Et on invente la lecture silencieuse, on ne lit plus à haute voix. Et Isabelle Sersa raconte, c'est ainsi que la ponctuation, suivant l'évolution des pratiques de lecture, va progressivement se détacher de l'oral pour devenir un système propre à l'écrit, qu'il appréhende du côté visuel. La référence à l'oral est cependant toujours vivace. Elle fonde les revendications des écrivains qui mettent en avant leur voix, leur souffle, contre les règles grammaticales. Donc, on pouvait pas lire si les lettres n'étaient pas, si les mots n'étaient pas détachés, on ne pouvait pas lire dans sa tête. Il fallait verbaliser à l'oral. Oui, entre autres, oui. Et puis, ça gagnait de la place aussi. Il y a toujours eu des problèmes de place avec la ponctuation. Toujours ça, les signes ont toujours représenté une ellipse et donc une économie de place et de temps. Alain Rey, lui, ensuite, traite de la ponctuation après l'imprimerie et de toutes les luttes qui sont intervenues entre les imprimeurs et donc les éditeurs un peu plus tard et les auteurs, chacun voulant influencer l'autre et imposer sa norme ou alors son imagination. Et pendant tout ce temps-là, tous les imprimeurs ont inventé des tas de signes extraordinairement bizarres, et encore récemment, ça s'est fait. Et donc, l'arobase, par exemple, c'est le dernier en date. Oui, on peut dire que l'arobase est un signe de ponctuation, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu en particulier celui qui avait inventé d'amourette, qui s'appelait la posette, qui était une virgule inversée, qui se mettait entre le sujet et le verbe. Lui a préféré, quand on parle, on met sur un blanc, et donc il avait inventé cette posette. Puis il y a le point d'ironie de ce grammairien de Strasbourg. Enfin bref, beaucoup de signes ont été créés, et puis la plupart ont été oubliés, d'ailleurs pratiquement la totalité. Et ensuite, vous êtes ensuite tourné vers Julien Rau, qui lui a consacré tout un livre au point seulement de suspension, Jacques Drillon. Oui, c'est un grand spécialiste. Alors lui, il s'est attaché à raconter comment les écrivains, une fois que la ponctuation existait, s'en sont emparés. Et elle est devenue leur système à eux, où chaque écrivain y trouvant son système à soi. Il dit « La ponctuation devient un élément essentiel de mise en texte, mais aussi de mise en œuvre. » Comme l'explique Jacques Durenmat, l'abandon de la période au profit d'un style coupé au XIXe siècle est constitutif d'une nouvelle façon d'engager la liaison, née du sentiment que l'histoire n'est pas continue, mais balbutiante, mal cousue également. Il s'agit désormais d'exhiber la rupture par un style déchiqueté, mutilé, un peu à l'image de ce corps monstrueux qu'incarne la créature rapiécée du docteur Frankenstein. Et puis, donc tous ceux qui Guyotat avec ses barres obliques, 2, 3, 4 barres obliques, Céline avec ses points de suspension, enfin cette espèce de folie qui devient propre à chacun. Monique Wittig, bien sûr, oui, avec le J apostrophe, barre oblique E. Donc ces emplois un petit peu fous de tous les signes qui ont été faits par des écrivains qui avaient un petit peu pulvérisé le style. Et donc votre dossier est illustré par un beau texte d'Hélène Sixlou. En tout cas, cette prise de position de liberté, elle dit... « Mets des points, presse l'éditeur. Soit, dis-je, 3 points, pose-les où tu voudras. » Je ferme les yeux, j'entends mon éditeur planter des points. N'importe où. La littérature a commencé sauvage, ensuite on lui passe le mort. On la cloue au poteau de la page, elle respire encore. Rapidement, peut-être pour terminer, 3 grandes pointures, nous n'aurons pas le temps de les faire toutes les 3. Michel Deguy, Bertrand Marchal, Gérard Genette. Un mot sur leur contribution à votre dossier dans le magazine littéraire. Alors Michel Deguy fait le point sur les 3 positions de l'écrivain ponctué régulièrement, surponctué, déponctué. Bertrand Marchal, lui, raconte le parcours de Mallarmé, dont il est spécialiste, depuis sa ponctuation extraordinairement profuse jusqu'à l'absence totale de ponctuation dans le coup de dé, remplacée par la disposition typographique. Et Peter Zendi, lui, s'occupe de la ponctuation non graphique qu'on trouve ailleurs, au cinéma, en musique, et voilà. Eh bien, merci beaucoup, ça donne très envie de se plonger dans le dossier du magazine littéraire. Jacques Drillon, nous vous retrouverons régulièrement à ce micro et dans l'intervalle, évidemment, dans les colonnes de votre magazine. Et c'est la suite de cette compagnie des auteurs consacrée à Marguerite Yourcenar sur France Culture. Nous parlons à présent de l'œuvre noire avec Anne-Yvonne Julien, professeure de littérature contemporaine à l'université de Poitiers, spécialiste des écritures de soi au XXe et XXIe et en particulier des textes de Marguerite Yourcenar. Elle est également l'auteur d'un essai Foliothèque Gallimard sur l'œuvre noire. L'œuvre noire dont le personnage principal porte le beau patronyme de Zénon. C'est un personnage que j'ai donc rêvé de bonheur. Et comme j'ai indiqué dans une note que beaucoup d'autres savants, d'autres philosophes ont traversé des épisodes analogues, on pense souvent que j'ai essayé d'établir une somme, ce qui n'est pas du tout vrai. On ne voit pas un peintre empruntant un œil à une femme et une oreille à une autre femme et une joue à la troisième. Ça ferait un tableau épouvantable. Seulement, bien entendu, quand on essaie de suivre un personnage, de le faire vivre à travers une époque éloignée de nous, on tâche de voir s'il y a vraiment des répondants, s'il y a vraiment des documents qui nous permettent de dire cela. Ainsi, par exemple, la naissance illégitime de Zénon, j'ai été très contente de voir qu'elle correspondait à celle d'Érasme. Ce personnage de Zénon est d'une très grande honnêteté intellectuelle. C'est probablement ce que j'ai tâché de souligner le plus, ce que j'ai voulu montrer en lui. Un homme, un esprit ouvert, enfin. Oui. Un homme sans préjugés ou qui tâche de se débarrasser des préjugés. Ce qui est une des choses les plus difficiles qui soient, même à l'heure actuelle. C'est vrai. Et c'est en effet les alchimistes qui employaient le mot « œuvre noire » pour indiquer cette première phase de l'opération en termes philosophiques. Et parce qu'en termes purement chimiques et métallurgiques, ça signifiait autre chose. Ça signifiait techniquement la dissociation des substances. Mais en termes allégoriques, alors il l'employait pour la dissolution des préjugés. Et il disait que c'était là la partie la plus difficile du travail, et que quand on était arrivé là, tout le reste n'était qu'un jeu d'enfant. Bonjour Anne-Yvonne Julien. Bonjour. En fond sonore, on entend l'extrait d'un album intitulé « Musique pour lutte à l'attention des sorcières et des alchimistes ». C'est une musique qu'on a choisie pour vous. Oui. Alors, je précise tout de même que... Vous n'êtes ni sorcière ni alchimiste. Je ne suis ni sorcière ni alchimiste, mais je précise aussi que Zénon, le héros de l'œuvre noire, est à la fois un médecin, un philosophe et un alchimiste. Hein, et qu'il ne peut guère être dit sorcier, sinon à travers des rumeurs malignes. Non, voilà. Mais les gens veulent faire croire que c'est un sorcier, justement. C'est ça toute l'histoire. Alors, surtout, c'est un cheminement intellectuel qui va traverser le siècle et qui s'oppose avant tout aux dogmes religieux catholiques traditionnels. Hein, c'est évidemment cela d'abord. C'est un séditieux, ce Zénon. Il est séditieux en tout. Il est contre, effectivement, l'institution religieuse dont il est issu. Il est également rebelle sur le plan des mœurs, il est un rebelle sur le plan de la médecine, puisque il va s'orienter vers les expérimentations les plus aventureuses en matière de chirurgie. Et Dieu sait si à cette époque, hein, on encourait des risques forts. Voilà. Hein, donc c'est avant tout un séditieux de l'esprit. Alors dans cette archive qu'on vient d'entendre, Marguerite Yourcenar qui répondait à la question de l'origine de l'œuvre noire, il répondait de deux manières, d'une manière chimique et d'une manière allégorique. Oui, alors si vous voulez, effectivement, l'œuvre noire, bon, quand on ouvre le texte, on peut d'abord se dire que l'œuvre noire, c'est une œuvre noire d'abord, extrêmement sombre et qui renvoie aux guerres de religion. Qui renvoie d'ailleurs à un tableau de Dürer qui s'appelle Mélancolie. Oui, hein, qui peut être allégorisé effectivement par le tableau allégorique de Dürer qui s'intitule Mélancolie et où on voit une grande figure, un grand ange d'une certaine façon, mais qui est aussi une figure de l'intellectuel, de celui qui pense et qui est au milieu de ses outils de pensée et qui pense que peut-être même s'il pense, il ne va peut-être pas trouver ce qu'il recherche. Donc, effectivement, vous avez raison d'évoquer cette médiation picturale qui est également très importante pour Marguerite Yourcenar, qui a été plongée dans la contemplation au musée de Bruxelles, en particulier des Van Eyck, des Bruegel, des Jérôme Bosch, etc., et qui s'en est effectivement imprégnée pour trouver cette noirceur, même si ces peintres étaient un petit peu précédés, un peu évidemment le XVIe siècle, pour trouver cette noirceur flamande qu'elle atteint avec l'œuvre noire. Donc ça, elle l'a dit, elle en a parlé, elle a parlé de cette inspiration picturale. Elle a parlé plusieurs fois de cette inspiration picturale, et puis si vous voulez, toutes ces œuvres tous ces essais, cette volonté de retrouver un siècle par ses peintres. Elle l'a fait pour Poussin, elle l'a fait pour Isdal, elle l'a fait pour Do et pour Dürer, bien sûr, elle l'a fait pour Rembrandt, elle a dit combien elle était fascinée. Mais quand on lit l'œuvre noire, effectivement, on a l'impression aussi, à certains moments, la mère de Zénon apparaît comme une princesse de Van Eyck, par exemple. Donc cette œuvre noire, c'est la noirceur, c'est la mélancolie, et puis l'œuvre noire, c'est... du coup, aussi un stade chimique de la création de l'or, c'est ça ? Du processus, effectivement, de cette ars sacra des alchimistes, ouais. Oui. Alors, ce qui est fascinant avec l'œuvre noire, c'est que, évidemment, elle ne nous a pas proposé, si je puis dire, à nous lecteurs, quelque chose qui serait extrêmement académique avec une œuvre noire, une œuvre au blanc, une œuvre au rouge, je dirais, dans toute sa, dans toute son élémentarité. Elle nous a fait sentir que l'œuvre noire de Zénon, c'est ce processus de déconstruction intérieure des idées qui va progresser toute sa vie. L'œuvre au blanc, ce sera ce moment de promenade sur la dune, dans les dunes sont tout près de Bruges, sur la côte de Heist. Et puis, l'œuvre rouge, on a l'impression qu'elle nous fait vivre la mort de Zénon comme si l'œuvre rouge était esquissée, mais nous ne saurons rien. Oui, parce que l'œuvre noire, c'est le plus difficile à obtenir dans l'alchimie. Et c'est donc ce qui dissout les préjugés, ce que nous dit Marguerite Yourcenar, ça signifie que Zénon, c'est celui qui voit plus clair à la fin que les autres, c'est celui qui dissout lui-même les préjugés. Alors, préjugés pas seulement, je pense que c'est d'une part, il faut effectivement se démettre de tout ce qui est idée préconçue pour Zénon, mais il faut même s'éloigner, je dirais, finalement de tout ce qui est ordinaire dans la pensée. Il faut se penser pensant et puis se penser dépensant. Tout à l'heure, on parlait de déponctuer, d'une certaine façon, on apprend à oublier même la pensée. Dom Blas de Vella lui avait souvent solennellement affirmé que l'opération aurait lieu d'elle-même, qu'on le voulût ou non, quand les conditions s'entr'ouvriront remplies. Zénon avait avidement médité ces adages, qui lui semblaient tirés d'on ne sait quel sinistre et peut-être véridique grimoire. Cette séparation, alchimiste, si dangereuse que les philosophes hermétiques n'en parlaient qu'à mots couverts, si ardue que de longues vies s'étaient usées en vain à l'accomplir, il l'avait confondue jadis avec une révolte facile. Puis, rejetant ce fatras de rêvasserie, aussi antique que l'illusion humaine, ne retenant de ses maîtres que quelques recettes pratiques, il avait choisi de dissoudre et de coaguler la matière dans le sens d'une expérience avec le corps des choses. Maintenant, les deux branches de la parabole se refermaient. L'opérateur brûlé par les acides de la recherche était à la fois sujet et objet, alambic fragile et au fond du réceptacle, précipité noir. L'expérience qu'on avait cru pouvoir confiner à l'officine s'était étendue à tout. S'ensuivait-il que les autres phases de l'aventure alchimique fussent autre chose que des songes, et qu'un jour, il connaîtrait aussi la pureté ascétique de l'œuvre au blanc, puis le triomphe conjugué de l'esprit et des sens qui caractériserait l'œuvre au rouge. Anne-Yvonne Julien, comment s'inscrit ce livre parmi les autres livres de Marguerite Yourcenar? Elle commence à l'écrire en 57, elle a publié en 51 Les Mémoires d'Adrien. Est-ce que c'est très différent? Est-ce que c'est la suite? Écoutez, elle l'a dit elle-même dans le petit passage d'archives que vous avez donné tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque livre a son contexte. Et pourquoi chaque livre de Marguerite Yourcenar a son contexte? Parce que c'est quelqu'un qui filtre l'histoire, hein, qui la filtre admirablement bien et qui filtre surtout une conscience dans l'histoire. Donc pour retrouver ce qu'on pouvait penser, ce dont on pouvait avoir envie de se souvenir, ce qu'on pouvait imaginer à telle ou telle époque, il faut vraiment entrer de façon extrêmement subtile dans une époque, dans les schémas intellectuels, émotionnels, imaginatifs d'une époque. Donc en cela, c'est la suite de Mémoire d'Adrien. C'est la suite de Mémoire d'Adrien, mais évidemment, le ton en est extrêmement différent. Pourquoi ? Parce que on n'est pas au IIe siècle avec un prince qui essaie de stabiliser la Terre, hein, mais on est avec un philosophe séditieux qui court les routes de l'Europe et qui vit la censure, je dirais, dans son corps, hein, et effectivement avec ce choc des protestants et des catholiques en arrière-plan. Hein. Elle a dit elle-même d'ailleurs que elle le dit très bien à Mathieu Gallet dans Les Yeux ouverts que Mathieu Gallet le critique. Le critique effectivement qui a qui l'a interviewé très longuement, qui a publié un livre d'entretien qui s'appelle Les Yeux ouverts, c'est dans les années 80. Les Yeux ouverts, oui, c'est ça. Et c'est effectivement intéressant parce que la genèse des différentes œuvres de Marguerite Yourcenar est un peu explorée et on entend sa voix vraiment, hein, c'est quelque chose de très vivant. Donc, ce que je disais, c'est que, effectivement, d'un côté, c'est une suite. Hein. Moi, j'ai écrit un essai qui s'appelle Marguerite Yourcenar et le souci de soi. Donc, le souci de soi, il existe dans une conscience antique du IIe siècle. Il existe, évidemment, dans une conscience rebelle du XVIe siècle. C'est quoi ce souci de soi? Alors, ce souci de soi, c'est effectivement ce degré d'intériorité extrême, hein, auquel tous les personnages de Marguerite Yourcenar essaient de parvenir. Mais, par exemple, il y aura une suite aussi, hein, dans le texte qui, la fiction historique qui suivra, qui est un homme obscur, mais il s'agira d'un ouvrier autodidacte, imprimeur, qui, avec ses moyens très simples, hein, essaiera lui aussi de se soucier de lui-même. Mais la différence peut-être, c'est que au moment d'Adrien, on peut croire, quand on lit les mémoires d'Adrien, qu'un certain nombre d'esprits justes peuvent organiser le monde de manière viable. Il y a quelque chose d'assez optimiste, au fond, dans Adrien, qui est quand même un homme qui veut mener le monde pour le mieux, hein, croit-il. Alors que dans l'œuvre au noir, c'est plutôt l'angoisse qui est la plus apparente. Donc, entre Adrien et l'œuvre noire, on a l'impression qu'on n'a plus tout à fait la même vision du monde. Alors, vous avez raison. Il faudrait peut-être nuancer les choses dans la mesure où, avec Mémoire d'Adrien, on a des épisodes très douloureux, comme celui de la guerre de Palestine, où Adrien perd, en quelque sorte, sa foi dans sa capacité à maîtriser l'histoire. Mais c'est vrai que, globalement, il y a quand même une espérance humaniste. Hein, l'humanitas, c'est quelque chose qui existe pour le jeu Adrien. En revanche, c'est vrai que lorsqu'elle aborde l'œuvre noire, elle le dit, il y a 15 ans de notre expérience humaine à nous, hein, et il y a Suez, il y a ce rideau de fer de l'Europe, et c'est vrai que la guerre froide, par exemple, elle la cite pour illustrer la manière dont elle peut concevoir ce rideau de fer entre l'Europe protestante et l'Europe catholique, par exemple. Et en même temps, le livre est publié en 68. Oui. Et elle dit, elle est au fond derrière les étudiants, elle qui n'est pas une grande révolutionnaire, mais elle dit Zénon, lui, c'était un révolutionnaire. C'était un rebelle, elle dit surtout. C'était un rebelle, c'est quelqu'un qui entre en résistance d'esprit, c'est vrai. Hein. Mais elle, contrairement effectivement à ce que l'on peut penser, c'est quelqu'un qui est en prise sur son siècle. Simplement, elle est en prise, je dirais, à l'échelle de l'histoire. Hein, et c'est quelqu'un qui voyait vraiment le devenir de l'histoire. Et vous avez raison de me citer aussi, de me parler aussi de 68. Elle était aussi en phase avec des exigences qui étaient des exigences de ce temps-là sur le plan de la liberté sexuelle, sur le plan de l'attention à l'écologie. C'était un certain nombre d'éléments qu'on entend déjà et qu'on retrouve et qu'on retrouvera encore, si vous voulez, dans ces mémoires alors que sont le Labyrinthe du Monde et les trois tomes, Souvenir pur, Chiffre du Nord, Quoi l'éternité. Alors je voudrais qu'on termine, puisqu'il nous reste assez peu de temps, avec un dernier thème qui est au fond un thème stylistique, parce que vous insistez beaucoup, Anne-Yvonne Julien, sur les voix qu'on entend dans l'œuvre noire, et ces voix, ce sont les voix de la Renaissance. Alors, effectivement, on entend Zénon, si vous voulez, c'est un personnage fictif, mais on entend la voix de Montaigne, on entend la voix de Campanella, de Giordano Bruno. Mais quand vous dites la voix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le personnage de Zénon, d'une certaine façon, lorsqu'il médite, il entre en dialogue et avec un certain nombre de personnages historiques et de figures littéraires réelles, hein, et que d'une certaine façon, par ce jeu de dialogue, on entend toutes ces voix du siècle. Mais j'ajouterais quand même, à l'attention de vos auditeurs aussi, qu'il ne faut pas être impressionné par le savoir de Marguerite Yourcenar. C'est quelqu'un qui vous fait entrer dans son texte par le degré poétique que présente son texte. Il y a d'abord de la poésie chez Marguerite Yourcenar, il ne faudrait pas l'oublier, cacher qu'elle est derrière son allure parfois un peu marmoréenne. Merci beaucoup Anne-Yvonne Julien. Holy, holy, holy. Et à 15h54 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de poésie. Jacques Bonafé a choisi de nous lire jusqu'à jeudi des poèmes de Jacques Darras, admirateur de la Belgique, attaché à la Picardie, mais ayant aussi des facettes américaines, et une grande admiration pour les poètes anglais, tout cela déclenchant ce miroitement d'écriture, ce jeu des formes changeantes, cette fluidité revendiquée que nous continuons à présent d'écouter. Bonjour. Dans l'indiscipline de l'eau, Jacques Darras nous emmène, page 143, une confrontation auquel il tient. Le poète doit vivre avec son actualité, doit regarder l'histoire, comprendre d'où vient la douleur. Car ici, c'est la douleur qui raconte, qui donne les causes de cette montée du vote d'extrême droite dans la ville de Noyon. « Moi, j'ai un corps, dit Darras, qui parfois me fait mal rarement, qui parfois me fait plaisir souvent. J'ai la chance d'avoir un corps qui ne se rappelle pas à moi par la douleur, mais par le plaisir. Par exemple, quand je pense, je ne sens pas mon front. Penser est un plaisir pour moi. » Ainsi, le plaisir amoureux engage toute l'imagination. L'amour est de la haine suspendue. De la haine naturelle convertit l'espace d'un moment, d'un individu, d'une vie, en son contraire miraculeux. L'amour est de la haine améliorée. La haine a cet avantage sur l'amour qu'elle est plus forte. L'amour n'est pas universel. Universel, l'amour ne sert à rien, ne change rien, ne fait rien arriver. J'aime l'humanité, je n'aime personne. Je hais l'humanité, je hais tout le monde. Chacun reçoit une parcelle de ma haine. La haine a ceci de plus fort que l'amour qu'elle peut se fédérer. Il existe, a existé, existera des fédérations de haine, pas de l'amour. La haine peut se conjuguer au pluriel. Amour au pluriel en français se féminise, ne concerne qu'un individu, un seul individu affaibli par l'amour plusieurs fois. Le pluriel de l'amour est un affaiblissement. Le pluriel de la haine, un renforcement. Quel travail de conversion pour dissoudre la part de haine en soi. Quel travail matinal recommencé pour éclairer de part en part le compactement haineux. La haine est comme une argile ensilexée que le mélange des pluies a rendue impénétrable. Terreuse. La haine est terreuse. Je ne connais pas de haine aqueuse, en suspension dans l'eau. L'eau dilutrice ne tolère pas la haine. Elle l'allège en l'émiettant. La haine s'agrège, prend appétit à son propre retour, là où les plats sont quotidiennement servis à table, pleines de pommes de terre de haine, matin, midi et soir. Pleines de pommes de terre de haine, matin, midi et soir. Et je prends la voiture, quelques instants, pour un poème automobile. J'ai ouvert la portière, je m'assieds, je décroche la ceinture, me la passe en travers, bandoulière d'insécurité. J'allume, contact, démarreur. Tous les bons moteurs, tous avant de démarrer. Tous, au moins une fois, l'essence venant ensuite s'offrir à l'allumette qui sagement l'enflamme. Première et clignotant, coup d'œil rétrovisé sur la gauche, en arrière, seconde, l'oreille écoute quand il faudra passer la troisième. Cela fait 4 bonnes secondes que nous roulons dans un poème. Sentez-vous la moindre différence, le plus petit heurt ou chaos qu'on éprouve avec une auto courante ou ordinaire, je veux dire une phrase quelconque qu'on prononce s'étirant au réveil comme « As-tu bien dormi ?» sans attendre la réponse, qui vient ou ne vient pas, ou qui craque quelquefois. Telle une boîte de vitesse malmenée par une main inexperte, un poème moderne et poème mécanique assemblé sur une chaîne de montage, production de série, Mulhouse Valenciennes Flin, que pour la publicité nous qualifierons de rhétorique oratoire souple, priant à 4 mains ou paume caoutchoutée qui, s'il pleut ou s'il neige, colle adhésivement au revêtement routier, solidaire lui-même de la même raffinerie. Jacques Bonafé qui lisait Jacques Darras en point d'orgue de ce troisième numéro de la Compagnie des auteurs cette semaine consacré à Marguerite Yourcenar. Merci à Sylvia Baron-Supervielle dont je rappelle la correspondance avec Marguerite Yourcenar parue chez Gallimard sous le titre Une reconstitution passionnelle, on sait maintenant pourquoi. Merci également à Yvonne Julien, professeur de littérature à l'université de Poitiers. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de France Culture en attendant de nous retrouver demain pour visiter avec nous l'exposition que le Forum antique de Bavay dans le Nord consacre aux mémoires d'Adrien.